À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le journal London Simon a présenté le 9 septembre l'éditorial titré « Notre République prospérera jamais comme une puissance socialiste du thé ».